Négro, j'ai consommé l'alarme. Gaderme, elle m'a fait laquer. Elle m'a fait laquer. Gaderme, elle m'a fait laquer. Négro, j'ai consommé l'alarme. Beaucoup décibels dans les paquets. Dans les paquets. Beaucoup décibels dans les paquets. Négro, j'ai consommé l'alarme. Gaderme, elle m'a fait laquer. Elle m'a fait laquer. Gaderme, elle m'a fait laquer. Négro, j'ai consommé l'alarme. Beaucoup décibels dans les paquets. Dans les paquets, beaucoup de décibels dans les paquets. Négro, j'ai consommé l'alarme. Gaderme, elle m'a fait laquer. Beaucoup de décibels dans les paquets. J'arrive avec mes pirates pour les hacker. Gène zénomique pour la secte. 6, lobby brillant pour la tête. Fils, brûle en enfer, si faut de Satan. Je vendrai jamais mon âme pour passer sur M6. SO Alpha, on est un des. SO a dit, on est blindé. 6-7 ligue des hommes, société secrète. Comme des francs-maçons, on est blindé. Chez nous, ça roule des battes. Poussi négro, viseur au lot, shoot des battes. Poussi négro, dans mon clan pat. Poussi négro, je garde mon âme, je fais pas des pactes. Poussi négro, je fais ça pour le cash, pour mes broskis. SO Pharmac, SO Tospi. Je fais ça sans aucun putain stress. Négro, clé sur la porte comme si j'étais au ski. SO Loto, ils sont fous. Deux fois, je fais la place du boss, je sais tout. Deux fois, Gaderme, négro, je pense l'alarme, je vois flou. Deux fois, négro, j'ai consommé l'alarme. Gaderme, elle m'a fait laquer. Elle m'a fait laquer. Gaderme, elle m'a fait laquer. Négro, j'ai consommé l'alarme. Beaucoup de décibels dans les paquets. Dans les paquets. Beaucoup de décibels dans les paquets. Négro, j'ai consommé l'alarme. Gaderme, elle m'a fait laquer. Elle m'a fait laquer. Gaderme, elle m'a fait laquer. Négro, j'ai consommé l'alarme. Beaucoup de décibels dans les paquets. Dans les paquets. Beaucoup de décibels dans les paquets. Négro, j'ai consommé l'alarme. Plutôt négro que la laoute. Découpe les prods comme un bâtard. Ça coupe la feuille de cigare comme balao. Équipage qui lui en trie. Vider les sacs. Pas là pour viser les gardes. Faut que ça commence par libérer Sam. Nique un foufou sous les tropiques. Sache que MMS l'applique. Prête, prête, la zone comme Rodrigue. Négro, pense la verte comme Patrick. Noir, noir, marie et vert sont les couleurs de ma secte. Foufou veut que sa couleur fasse check. Faut qu'un négro pleure sa terre. On marque des buts et les joueurs adverses. Dieu merci, j'ai mes femmes. Ne sert pas qu'à prendre ses deux seins. Aujourd'hui tu fais le mort. Mais les gars pas vendre ton âme demain. L'hôpital au tard l'oiseau. Élu en face à l'état oiseau. Tu fais les bails vrais, pas les gestuels. Négro, ce n'est pas du rap sexuel. Négro, j'ai consommé l'alarme. Gaderme, elle m'a fait laquer. Elle m'a fait laquer. Gaderme, elle m'a fait laquer. Négro, j'ai consommé l'alarme. Beaucoup de décibels dans les paquets. Dans les paquets. Beaucoup de décibels dans les paquets. Négro, j'ai consommé l'alarme. Gaderme, elle m'a fait laquer.